Yeah. Yeah. Écoute. J'ai appris en grandissant, et ceci petit à petit. Pour réussir ici, c'était très tôt, fallait tout capter. Les ficelles du système, on t'engraine dès la primaire. Les soi-disant marginaux finissent à 30 ans avec une minerve. Camisole de force, comme la justice qu'on subit. On nous a d'abord parqué, ensuite tu connais ce qu'a suivi. Les banlieues désertées par les classes aisées. J'aime pas être vulgaire, mais là il le faut, car ils nous ont baisé. Les lois, les jugements tronqués, je vois que les juges ont trompé de nombreuses fois, mais malheureusement, je les ai pas comptés. Assistante sociale qui t'apprend rien. Quand tu galères, tu vois que les gens sont pressés. Alors toi t'entends rien, le cerveau brouillé par la drogue. On tombe tous dans leur piège dès que l'âge adulte t'approche. Donc on remplit leur placard, fait la bise aux cafards. On nous rejette dans leur univers, donc on crée notre monde à part. Nos propres délires, nos codes spéciaux, notre langage qui plaît tant aux journalistes envoyés spéciaux. Ils envoient leurs chiens pour qu'on se tienne bien. C'est dans la misère qu'on reconnaît ses frères, donc avec eux on crée des liens. Donc on devient sectaire, on ne bouge que pour son crew. On est déjà plus bas que terre, mais on creuse plus loin le trou. Car on aime nos bâtiments, c'est tout ce qu'on a, mais on les hait en même temps. Car nos soucis, bah, ils sont là, là. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Si tout ça pouvait changer en un clin d'œil, je garderais les yeux fermés comme un tueur face à un deuil. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Les gens me disent qu'on s'en remettra. Donc même si tout m'écrase, dans ce moment on baissera pas les bras. Les profs qui te découragent, toute l'année l'orage dans ta tête. Tout ça fait que tu deviens intime avec la rage. La niaque, une envie de réussir oppressante. Pour les ennemis le calibre, la seule option qui se présente. Alors tu veux plomber un type, hein. Ça semble si facile, une balle en pleine tête. Mais voilà, t'as raté ta cible, une balle perdue de plus. Et un mort sur ta conscience. La vie une autoroute qu'on traverse les yeux bandés et dans le mauvais sens. Taxe sur taxe, tacle sur tacle. Ne vous étonnez donc pas si on stagne sur place, l'État place des caméras partout dans la ville. Notre génération finira bientôt à l'asile. On prend le train quand y'a rien à faire. On admire le monde contemporain fait de béton, de pierre et de fer. Et ça c'est pas spécifique aux cités. T'as besoin de personne, refrain. Donc fais-toi toi-même tes propres idées. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Si tout ça pouvait changer en un clin d'œil, je garderais les yeux fermés comme un tueur face à un deuil. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Les gens me disent qu'on s'en remettra. Donc même si tu m'écras, dans ce moment on baissera pas les bras. Le sky dans les verres efface. Ta mémoire il est néfaste. Les conséquences à force de boire elles te dépassent. Les murs tiendront sans toi, pas la peine de les tenir. La vraie vie n'est pas ici, t'as bien compris ce que je veux te dire. De moins en moins de sourires, de plus en plus de soupirs. De moins en moins je dois courir. C'est vraiment dur de souffrir, de voir des choses pourrir. De voir des gosses mourir à cause de choses qui à la base n'étaient faites que pour rire. Quand les lovés manquent, l'ego te ment, tout te plante. Ceci à notre époque est une chose non surprenante. Car apprends que le matériel est roi. Donc pour tout le monde c'est la même. Ici la famille, les poteaux et soi. Les mêmes rêves, les mêmes buts. Les mêmes s'élèvent, les mêmes chutes. Les mêmes guerres et les mêmes luttes. Les mêmes tafs qui fatiguent. Les mêmes tafs sur les mêmes shit. Les mêmes tafs sur les mêmes beats. La même rage dans les mêmes bigs. Les mêmes phases sur les mêmes beats. Les mêmes baves sur le même fric. Les mêmes poucaves, les mêmes flics. Les mêmes sont braves et les mêmes flips. Les mêmes Renoir, Rebeu, Babdou. Bref on est les mêmes types. Les mêmes femmes que les men kiffent. Les mêmes drames et les mêmes kiffs. La même cam, les mêmes spliffs, les mêmes cannes pour les mêmes risques. En bref, c'est toujours les mêmes raps sur les mêmes disques. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Si tout ça pouvait changer en un clin d'œil, je garderais les yeux fermés comme un tueur face à un deuil. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Les gens me disent qu'on s'en remettra. Donc même si tout m'écrase, dans ce moment on baissera pas les bras. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Si tout ça pouvait changer en un clin d'œil, je garderais les yeux fermés comme un tueur face à un deuil. Triste image du monde d'aujourd'hui. Alors que le ciel gris s'installe et les beaux jours fuient. Les gens me disent qu'on s'en remettra. Donc même si tout m'écrase, dans ce moment on baissera pas les bras. Pas les bras. Non, on baissera pas les bras, vieux. Hein, spécialement pour Edouard Rist, hein, 203B. C'est qui savent, non? Ouais. Si, on baissera pas les bras, malgré les épreuves, les ciels gris, tout ça.